Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est donc le quatrième épisode de la série Autour de la traduction, série dans laquelle nous revenons sur des points de détails linguistiques que nous inspirent les traductions, entre autres, des cours de Cheikh al-Buti rahimahullah sur les sagesses d'Ibn Atta illah al-Sakandari. Aujourd'hui, on va s'intéresser dans cet épisode qui sera a priori un peu plus court que d'habitude, on va s'intéresser à une définition linguistique en arabe qui est celle de shari'a, qui dans la bouche de Cheikh al-Buti rahimahullah et bien d'autres savants veut dire législateur, prescripteur, et qui est censé désigner Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va voir qu'en fait ce mot-là a d'autres sens qui sont a priori un autre sens qui est bien plus éloigné que ça, bien éloigné de ce sens-là, et on va essayer de voir le lien entre les deux sens. Donc on va commencer. Shari'a, tout d'abord, d'un point de vue linguistique arabe, c'est ismil fa'il de shara'a. C'est-à-dire, c'est, un peu littéralement, c'est le nom de l'acteur du verbe shara'a. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'en arabe, et on aura l'occasion d'y revenir assez souvent, tout se construit, tous les mots quasiment se construisent autour des bases verbales. Des bases verbales qui contiennent souvent trois lettres, qui sont un verbe, qui constitue le verbe, et autour de ce verbe, on va pouvoir construire facilement l'acteur, le sujet quoi, l'objet de cette action, l'action en elle-même, l'action démesurée, celui qui se fait cette action à lui-même, etc. Tout ça construit à partir de la base verbale de trois lettres souvent, ou parfois rarement de quatre lettres. Et la base verbale ici c'est shara'a, et shara'a c'est justement légiférer, un sens qu'on peut lui donner, un sens premier qu'on peut lui donner et qui explique bien shara'a justement. En exemple, on peut donner un verset de la sourate Shura, la sourate la consultation. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Et la traduction de cette partie de verset que nous venons de lire, c'est « Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. » Donc en fait, là ça rend assez clair le fait que « Shari'a » c'est Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce qui est dit dans ce verset c'est « Il vous a légiféré » et c'est traduit par « Shara'a ». Donc si on parle d'un verbe « Shara'a », l'acteur c'est « Shari'a ». Et le « il », là, il ne fait aucun doute, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, l'acteur de ce verbe « ashari'u », c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème, enfin, c'est pas un problème, mais la chose bizarre, c'est que « shari'a » en arabe, si vous tapez ça sur Google Traduction ou ailleurs, vous aurez la surprise de tomber sur, comme traduction, « rue ». Une rue. Donc là, « a'oudhu billah, astaghfirullah », vous allez tous vous dire « comment ça ? Comment est-ce que Allah peut porter ? Comment est-ce qu'on peut désigner avec un même nom Allah et une simple rue ?» Et là, c'est là qu'on va essayer de voir que c'est pas... Je dis même pas que c'est pas le même contexte, mais il y a quelque chose qui est en commun dans l'appellation, mais ça ne désigne pas enfin, ça n'est pas censé désigner la même chose, c'est juste le côté shari'a, le législateur, c'est celui qui va donner la voix, en fait. La voix, V-O-I-E. Et on va retrouver aussi cette notion dans une rue, en fait. Une rue donne la direction. Une rue, pour une voiture, c'est celle qui va... Enfin, la rue va décider de la voie que la voiture va emprunter, si cette voiture, bien sûr, ne fait pas de folie. On a un second exemple coranique qui nous permet justement d'être justement sur cette voie-là. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Thumma ja'alnaka 'ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun. Et une traduction de ça, c'est « Puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre, d'une religion claire et parfaite, suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. » Ce qui m'intéresse dans la traduction, c'est « nous t'avons mis sur la voie ». « Ja'alnaka 'ala shari'atin ». Shari'a, c'est... en français, on traduit ça très rapidement par charia. Et surtout quand on veut faire... Surtout dans un sens assez péjoratif, souvent. C'est voilà, ils veulent appliquer la charia dans les banlieues, etc. C'est les titres du Figaro et autres journaux et journaux télévisés. Charia, c'est quoi? Shari'a, c'est quoi? C'est justement... C'est Shari'u, le législateur, il va faire Shara, la législation du coup, Et Ash-Sharia, c'est, on va dire, c'est, si on veut, enfin, si on veut essayer de rendre les mêmes nuances qu'on a en arabe et de laisser de les rendre en français, ce qui est compliqué, Ash-Sharia, ça serait un ensemble de prescriptions, en fait. Et un ensemble, un corpus législatif, le corpus religieux législatif, en fait. Et du coup, comment ils traduisent dans cette traduction que je viens de lire, c'est sur la voie, en fait. Ils traduisent ça par le mot voie. Ash-Sharia, la charia, c'est une voie, voie. Un chemin. Voilà pourquoi Ash-Shari'u, le faiseur, le donneur de voix, dans le sens Allah subhanahu wa ta'ala, une autre utilisation du mot Sharia, ça peut être une rue qui donne une voie en fait, qui donne une direction. Et quand je dis rue en Tunisie, c'est plutôt avenue, mais bon, c'est pas si important, c'est le même sens en fait, c'est le sens de donner la voie à quelque chose. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ce point-là? C'était ça, c'était juste, voilà, c'était cette vous introduire à ce, comment dire, à ce double sens d'un mot qui est en fait, si on creuse bien, en fait, c'est le même sens, c'est un même sens qui n'a rien à voir dans les deux cas, en fait. C'est le même sens de donner une voix qui peut être utilisée dans un cadre divin. Allah nous donne la voix, et dans le second cas, une rue nous donne la voie à suivre pour arriver à un point B, d'un point A à un point B. Enfin, le mot Ash-Sharia, en arabe, ça, enfin, récemment, je sais, je pense que ça c'est le cas depuis assez longtemps, mais récemment, vous l'entendrez peut-être aussi dans le cadre de, enfin, en voulant dire la rue, dans le sens, pas la rue matérielle, mais les gens. La rue est en colère. Ash-Sharia ou Rabban. Et c'est pas, quand je dis la rue, c'est pas, ouais, vas-y, moi j'ai fait l'école de la rue. C'est la rue. C'est les gens, c'est le peuple, ouais, c'est ça, on peut dire que c'est le peuple. Et du coup, ce qui peut être assez intéressant, justement, si on veut lier les deux sens, qui est, on a fait une bonne grosse digression là, en fait. On est parti du législateur, puis du sens voie, voie, donner une voie, un chemin, puis on est parti, on a oublié la rue pour voir ce qu'elle contenait, c'est-à-dire des gens. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue sociopolitique, enfin, dans les médias arabes, vous entendrez souvent que Ash-Shari'u asqata nizam, la rue a fait tomber le régime, la rue a voulu ceci, la rue a voulu cela. C'est assez intéressant de voir et de voir qu'en fait, Ash-Shari'u asbaha shari'an, la rue Ash-Shari'a est devenue Shari'a. Bon, ça fait bizarre. La rue est devenue législatrice. Et ça peut être intéressant et ça peut être rigolo de voir ça. Et on peut mettre ça comment dire? On peut comparer démocratie et théocratie sous cet angle-là. Une théocratie, ce serait un régime, pour simplifier, hein, j'ai pas envie qu'on me dise non, mais démocratie, c'est pas exactement ça, etc. Théocratie, ce serait un régime gouverné par des lois divines, par Sharia, d'un point de vue divin. Et une démocratie, ça serait un régime dont le pouvoir émane du peuple et dont le pouvoir émane du Sharia en fait, et qui n'est pas le législateur, mais qui est le législateur d'en bas, qui est le peuple en fait. Donc après, moi je rentre pas dans la question de savoir si est-ce que les deux sont conciliables, etc. C'est pas ça la question. La question, c'est juste de voir le côté intéressant et nouveau de cette dichotomie en fait. Je pense qu'on a fait le tour, et au final, la vidéo a duré plus longtemps que prévu, ce qui est contrairement à ce que nous avons dit au début. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.